Francis Jam, avec ton parapluie. Avec ton parapluie bleu et tes brebis sales, avec tes vêtements qui sentent le fromage, tu t'en vas vers le ciel du coteau, appuyé sur ton bâton de houx, de chêne ou de néflier. Tu suis le chien au poil dur et l'âne, portant les bidons ternes sur son dos saillant, et tu passeras devant les forgerons des villages, puis tu regagneras la balsamique montagne où ton troupeau pètera comme des buissons blancs. Là, des vapeurs cachent les pics en se traînant. Là, volent des vautours au col pelé et s'allument des fumées rouges dans les brumes nocturnes. Là, tu regarderas avec tranquillité l'Esprit de Dieu planer sur cette immensité.